Les signaux indiquent la présence d'une issue de secours. Réponse A. D'un poste d'appel d'urgence. Réponse B. D'un extincteur. Réponse C. D'une aire de stationnement. Réponse D.